Cours numéro 2. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wahda. Wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'dah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. فأخذنا في الدرس الأول بداية هذه المقدمة النافعة وذكر فيها المؤلف أن عنوان السعادة ثلاثة أشياء فما هي الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله il a cité dans le début de sa muqaddima après avoir fait du'a que trois choses c'était عنوان السعادة أي pour être heureux fait des efforts sur trois choses. Tafaddal, al-oula, al-shukr. Wa-thaniya, al-sabr. Wa-thalitha, al-istighfar. Al-shukr, c'est muqabil lin-ni'ma. Al-sabr, c'est par rapport à al-ibtila. Et al-istighfar, c'est 'inda al-dhanb. Donc ces trois choses, inshaAllah ta'ala, celui qui fait des efforts fi hada, il sera min as-su'ada. Pourquoi? لأن الإنسان إما il reçoit une ni'ma, إما il est éprouvé, إما il fait des dhunoub. هكذا الإنسان. Il vit entre ni'ma et min al-ni'am, bien sûr, c'est l'ilm, al-ta'a, etc. Tu dois être reconnaissant. Ça peut être, tu peux avoir une faiblesse, et un dhamm, al-istighfar ou al-tawba, et tu peux être éprouvé, et tu seras éprouvé. لأن المؤمن يبتلى على قدر دينه كما جاء في الحديث ففي هذا الحال الصبر c'est pour ça que شيخ الإسلام il a fait هذا الدعاء العظيم واستفاد شيخ الإسلام من كلام ابن القيم فابن القيم il a un كلام أن عنوان السعادة c'est pour rapport à ces trois choses ثم قال رحمه الله نقرأ اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم هي أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين Après avoir fait هذا الدعاء العظيم qu'on a expliqué dans le premier dars Cheikh al-Islam il te montre إعلم et on va voir que إعلم c'est quand il y a quelque chose d'important كما قال عز وجل فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فاعلم أنه لا إله إلا الله donc الشهادة c'est أعظم العبادات الله سبحانه وتعالى avant قال فاعلم et tu dois savoir la chose la plus importante c'est cette شهادة شيخ الإسلام هنا يقول اعلم أرشدك الله لطاعته il refait un autre دعاء pourquoi لأن هذا العلم pour l'avoir et pour l'appliquer il faut que Allah subhanahu wa ta'ala te facilite. I'lam arshadak Allah li ta'ati. Les efforts qu'on fait dans l'ilm et cet amour qu'on a pour l'ilm, l'essentiel c'est de savoir bien sûr et d'appliquer. Tout ça c'est bi tawfiq Allah. Al-Qur'an hujjatun lak ou alayk, qala alayhi salatu wassalam. Qur'an ça peut être pour ou contre toi. Donc l'ilm c'est bénéfique, c'est profitable quand il y a un amal. C'est pour ça que sur l'islam il dit arshadak Allah li ta'ati. Et ce ilm que tu dois savoir et qui va te montrer, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui te facilite à comprendre, à appliquer, etc. Anna al-hanifiyya millatu Ibrahim. Il t'explique un point important, c'est quoi al-hanifiyya? Millatu Ibrahim, qui est cité dans le Coran. Qala hiya an ta'bud Allah wahdahu mukhlasan lahu ad-din. Al-an, il va commencer à t'expliquer c'est quoi al-tawhid. Da'wat al-rusul, le point le plus important de notre din. Le fondement de ce dîn. قال شيخ زيد المدخلي رحمة الله عليه اعلم وهو خطاب عام لكل مسلم ومسلمة. شيخ الإسلام الآن il s'adresse à chaque مسلم et chaque مسلمة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم. الحديث اللي صحيح. الإمام ابن عبد البر في جامع بين العلم وفضله il a cité plusieurs طرق. أما زيادة وزيادة ومسلمة الزيادة لضعيفة طلب العلم فريضة على كل مسلم صحيح ومسلمة سغجو لضعيف لكن المسلمة la femme elle rentre dans le premier خطاب النبي صلى الله عليه وسلم quand il cite les hommes ça englobe les femmes طلب العلم فريضة على كل مسلم. Tu comprends, ouais, les musulmans. Il y en a les obligations pour les hommes et les femmes, c'est pareil, sauf si un délil qui fait sortir un des deux. هذا واضح. Donc, يقول شيخ زيد وهو خطاب عام لكل مسلم ومسلمة تنبيها لهم وإيقاظا لهممهم ليستعدوا لما سيأتي من التوجيهات الكريمة والوصايا العظيمة. Et ça, c'est un usloub tayyib. Quand tu parles d'une chose importante, tu dois avoir un certain usloub, une certaine façon de parler. I'lam. Hey, ce qui va venir après, c'est très important. Arshadak Allahu li ta'ati, un dua, anna tu lui veux son bien. Avec ce usloub, avec bien sûr le hikma ou le rifq, celui à qui tu fais da'wa, il y a plus de possibilités qu'il t'écoute. L'anna tu veux son bien. Est un usloub ilmi. لأن الشيخ الإسلام الآن يبسطي الشوز avec الأدلة. Donc nous on doit profiter de هذا. الدعوة on doit la faire, on veut le bien des autres. الدعوة on doit la faire بعلم. الدعوة on doit la faire avec un bon comportement. Pourquoi? لأن t'as une responsabilité. On doit pas dire c'est le haq, il doit accepter comme je le dis, il doit l'accepter. Là, t'as une responsabilité. Bien sûr que le haq, il doit être accepté. لكن من الحق c'est que tu fais الدعوة بحق. Et الدعوة بحق c'est بالأدلة. Et بالتي هي أحسن قال الله عز وجل وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا c'est هذه آيات في الكفار. Tu dois leur montrer بالتي هي أحسن. Que dire de tes frères musulmans? Donc tu montres بالتي هي أحسن et tu veux son bien. Et ça أثر في المدعو. Si cette personne à qui tu fais da'wa elle sent que tu lui veux son bien et que tu as du ilm, ça joue beaucoup, ça va avoir une grande influence sur lui. Amma, il sent que tu lui veux pas de bien, tu parles sans ilm, pas d'adillah, c'est des choses, c'est ton avis. S'il n'accepte pas, tu peux comprendre pourquoi il n'accepte pas. Donc, ad-da'i ila Allah, il a une responsabilité. On parle que dans les choses qu'on connaît. Et on fait da'wah comme Allah subhanahu wa ta'ala, il veut qu'on fasse da'wah. Et il nous a ordonné de faire da'wah. Ala basira. Allah subhanahu wa ta'ala, il a précisé, ala basira, pas comme on veut nous. Et une personne, elle peut se demander comment on fait. اطلب العلم اولا et tu sauras comment faire الدعوة. قال ثم اعقب التنبيه بالدعاء وما احوج الانسان الى الدعاء لنفسه دعاء الغير له لا سيما بظهر الغيب فكم فيه من فضل ورجاء. قال صلى الله عليه وسلم من دعا لاخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل به امين ولك بمثله. Al-Hadith, comme il est dans le Sahih Muslim. L'importance de faire dua pour son frère. Surtout celui qui a un haq sur toi. Un parent, al-ulama, un ami, une personne qui t'a aidé dans une chose. Man da'a li akhihi bi dhahri al-ghayb. Et ce frère, il n'est pas au courant. Il invoque Allah subhanahu wa ta'ala et personne n'est au courant. Et il demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il facilite à ce parent, à ce proche, à ce frère. قال الملك الملك الموكل به امين ولك بمثله. الملك دي امين اي celui qui a fait dua كذلك il a la même chose. هذا طيب de faire dua pour ses frères. الامام احمد رحمه الله عليه faisait beaucoup de dua في سجوده pour l'imam الشافعي. لان الامام احمد parmi ses مشايخ الامام الشافعي il faisait dua pour lui في السجود. فهكذا ils étaient السلف. On doit pas oublier le khair. Celui qui te fait un khayr, tu dois être reconnaissant. Wala yashkur Allah man la yashkur an-nas, ça fait partie du shukr. Et parmi ceux qui te font le plus de khayr, c'est tes parents. Donc tu les oublies pas fi ad-du'a. Kadhalik t'oublies pas wulat al-umur, les gouverneurs. Lianahum ils font du khayr et si ils font autre que le khayr, tu fais du'a an Allah subhanahu wa ta'ala yuslihahum. Pourquoi? Lianna bi islahihim islah al-umma. Si ils sont guidés, toute la umma en profite. كذلك on fait du'a pour أهل العلم أن الله سبحانه وتعالى يحفظهم يرحم الأموات منهم. Et on fait du'a pour nos frères, etc. هذا c'est طيب. Et le du'a qu'il a fait, أرشدك الله لطاعته. قال الشيخ زيد ومعنى أرشدك الله لطاعته أي ألهمك طاعته بالرشد والاعتصام بها لأن من ألهمه الله رشده فقد فاز فوزا عظيما. الرشد يترجم par la guider. Ça ressemble à le huda. Et comme il dit Cheikh Zayd, celui que Allah subhanahu wa ta'ala guide, fa il est guidé. Donc celui que Allah subhanahu wa ta'ala guide, c'est, il sera guidé. Même si les gens ne sont pas d'accord, même s'il est tout seul, même s'ils veulent l'égarer, même s'ils l'accusent, il sera à l'al-haqq wa al-huda. C'est pour ça, ça te montre anta que cette guidée, had al-rujd, had al-huda, tu la recherches عند Allah subhanahu wa ta'ala. Et al-sabab, c'est l'ilm. Et al-sabab, c'est de revenir ila ahl al-ilm. Et une des causes, c'est être modeste. Une des causes, c'est que si tu sais que l'haqq, il est autre que vers ton shir ou autre que toi tu pensais, tu reviens. Tout ça, c'est des causes. Et si Allah te guide, tu seras guidé. Même si une personne elle vient, elle dit t'es un égaré. Ça change rien. Le but, c'est quoi? C'est que tu sois sur la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si les gens ils sont pas d'accord, c'est pas grave. Si les gens ils sont d'accord et t'es à l'inhiraf, ça changera rien. Si Allah t'a pas guidé, t'as pas guidé. Même si les gens ils disent il est tayyib, il a du ilm, si t'es un égaré, t'es un égaré. Et la guidée, c'est quoi? C'est Al-Kitab al-Sunnah. فلهذا قال الشيخ زيد والاعتصام بها لأن من ألهمه الله رجه فقد فاز فوزا عظيما وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم طاعة الله c'est ça la guidée طاعة الرسول et طاعة الرسول c'est من طاعة الله قال كما في قوله عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله donc tu veux la guidée la guidée c'est pas dans le grand nombre forcément la guidée c'est pas suivre un tel. La guidée, c'est qawl Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Sunnat Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça la guidée. Accroche-toi. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa al-rashidin. Addu alayha bid nawajid. Donc, al-huda, c'est sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et avec la compréhension de al-khulafa et la compréhension de ashab Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui contredit ses fondements, la sunnah, avec la compréhension de sahaba, de salaf, c'est pas la guidée. Même si c'est plus facile d'apparence, même si c'est plus répandu, même si c'est chez certains c'est évident, si ça khalif sunnat Nabi sallallahu alayhi wa sallam et nahj ashab Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est min al-dhalal. Qala wa amara Allah bi ta'atihi wa ta'at rasulih wa ta'at wali al-amr al-muslim fi ayatin wahida hayth qala ya ayyuha alladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa uli al-amr minkum. C'est ça, Al-Huda. Tu veux Al-Huda? Obéis à Allah. Obéis à son messager et au gouverneur tant que ce n'est pas une ma'asiyah. Et même si c'est une ma'asiyah, t'appelle pas au khuruj. Même s'il y a des défauts, il y a des manques, on n'appelle pas à se rebeller. C'est un bab shur. Li'anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam amarana bitta'a. Et nahana anil khuruj. Même s'il y a des ma'asiyah. Enfin, c'est ça le huda. Celui qui veut le huda, il s'accroche à hada. Cheikh l'islam, l'an, yaqul i'lam, il y en a ce qui va venir, c'est très important, et il te fait hada du'a. Arshadakallahu bi ta'ateh. Donc, l'essentiel, c'est ta'atullah. On fait des efforts fi hada, et t'es obligé de comprendre pour appliquer. Donc, t'as besoin de hada l'ilm. Surtout, ce sujet qu'on va traiter l'an, at-tawhid. قال شيخ الإسلام أن الحنيفية ملة إبراهيم هي أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. C'est ça, ملة إبراهيم. Le دين de إبراهيم c'était هذا. Le دين de جميع الأنبياء c'est هذا. Notre prophète محمد صلى الله عليه وسلم il a appelé à هذا. عبادة الله وحده. Ce qu'on appelle التوحيد. قال شيخ زيد أن الحنيفية أي الملة السمحة ملة إبراهيم عليه السلام هي أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. C'est ça la chose, le fondement le plus important dans notre dîn. C'est sur ça qu'on doit faire des efforts. C'est sur ça qu'on doit éduquer nos enfants. C'est sur ce fondement on doit aimer ou détester. Celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala seul, on le rapproche, on l'aime. Celui qui fait du shirk, on l'éloigne, on le déteste. Al-wala wa al-bara, c'est sur ça. Toute ta vie, elle doit être fondée sur ça. Et c'est ça, معنى لا إله إلا الله. أي عبادة الله وحده مخلصا له الدين. لا إله أنفي. أي j'adore pas autre qu'Allah. إلا الله, j'adore Allah seul. C'est ça الحنيفية. قال, أي إذا سئلت ما هي الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام فيكون الجواب. Si on te demande c'est quoi ملة إبراهيم. Il y en a dans le Coran, il y a des versets. En Allah subhanahu wa ta'ala, il cite Millatu Ibrahim. Si on te demande c'est quoi Millatu Ibrahim, fayakounu al-jawab, hiya ibadatullahi wahdahu bisidq wa ikhlas wa sawab. Trois choses. Sidq, t'adores Allah bi sidq, contrairement à l'adoration des munafiqoun, ils ont adoré Allah subhanahu wa ta'ala, mais ce n'était pas bi sidq. Munafiq, ils faisaient apparaître l'islam, mais c'est un kafir. Son but c'était d'être préservé, préserver ses biens, sa famille. Amma, au fond de lui, ce n'est pas un mu'min. Donc, il n'a pas adoré Allah subhanahu wa ta'ala bi sidq. Bi ikhlas, contrairement au mushrik. Il adore Allah subhanahu wa ta'ala, mais il n'a pas d'ikhlas. Il va adorer Allah subhanahu wa ta'ala et le lendemain il adore autre. Donc il adore Allah lakin avec un autre. C'est ce qu'on appelle al-shirk. Nahnu la, on adore Allah subhanahu wa ta'ala seul. Wa sawab ay al-muwafaqah li sunnat an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Al-Fudayl ibn Iyad radiyallahu ta'ala anhu qal ahsanu 'amala ay fi surat al-mulk tabarak alladhi بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Vous avez remarqué que dans ce verset Allah subhanahu wa ta'ala il a cité أحسن العمل, il n'a pas dit أكثر العمل. Le but c'est أحسن العمل que Allah il aime. قال الفضيل بن عياض أحسن عمل أخلصه وأصوبه أي بإخلاص et بصواب. الصواب c'est de suivre le Nabi عليه الصلاة والسلام. On fait Ramadan لله عز وجل et parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il l'a fait. Toutes les ibadat qu'on fait, ikhlas, et on regarde est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il l'a fait. Si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il l'a pas fait, et wahid il adore Allah subhanahu wa ta'ala avec autre que sunnah du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'on appelle al-bid'a. Et al-bid'a c'est pas accepté. Donc la'bud, c'est ikhlas et sawab. Ça nous montre que al-yahoud ou al-nasara, ils ont rien à voir avec Ibrahim. Même si ils prétendent eux, surtout les Yahoud, c'est des suiveurs d'Ibrahim, etc. Ibrahim, il est bari min ha'oula. Les suiveurs d'Ibrahim, c'est al-muwahidoun. Al-muwahidoun, ceux qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et les Yahoud ou al-Nasara, c'est des mushrikoun. Ils adorent autre qu'Allah. Wal-iyadu billah. Qala Allah azza wa jal, قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créé que pour ça. Comme on va voir le verset. قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. C'est ça le premier ordre. C'est ça le but de ta création. Tu dois adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. قَالَ شَيْخ زَيْدَ رَحِمَ اللَّهُ فَإِذًا فَلَابُدْ أَنْ تَتَوَفَّرْ فِي الْعِبَادَةِ الشَّرْطَانَ الْمَعْلُومَانَ بِالِاسْتِقْرَاءِ وَهُمَا. Al-ulama, ils nous ont démontré à partir des textes min al-Qur'an ou min al-Sunnah que l'ibada, pour qu'elle soit acceptée, il faut deux conditions. Tu retrouves ces conditions dans plusieurs adil. La première condition, أَنْ تَكُونَ الْعِبَادَ صَوَابًا حتى تسمى عبادة شرعية فإن لم تكن صوابا لا تسمى عبادة شرعية يترتب عليها الثواب بل سن بدعة. Première condition c'est que cette ibada t'as un fondement, t'as une source من القرآن أو من السنة. فمثلا صلاة الضحى on a des sources. تقدم معنا dans notre حديث عمدة الأحكام حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بثلاث إلى ستة وركعتي الضحى. Celui qui fait ses raka'at de duha ou qui appelle, il appelle une sunna. S'il est fait, il est sincère, alhamdulillah. Il aura l'ajr indallah azza wa jal. Wahid il invente al-mawlid al-nabawi, mathalan, bid'a. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais fait, le sahaba, il n'a jamais fait. Il n'y a aucun hadith qui appelle à hadha. Et ceux qui le font, c'est pour se rapprocher d'Allah. Ils ont choisi ou ils ont fait une ibadah, il n'y a aucune source. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. Pourquoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il l'a pas fait alors que il a vécu des années et il aurait pu fêter son anniversaire, il l'a jamais fait. Après lui, ses enfants, sa fille Fatima, as-sahaba radiyallahu anhum, Abu Bakr, Omar, ils ont vécu des années, ils l'ont jamais fait. A'immat as-sunnah, ils l'ont jamais fait. Les grands imams, l'imam Abu Hanifa, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed et d'autres, jamais ils ont fait al-mawlid an-nabawi. C'est venu des années après de certains mubtadi'a jusqu'à de nos jours certains le font. Est-ce qu'ils ont rempli la condition là? Ba'dhum ils disent on n'a fait aucun mal. Si tu as fait un mal, tu fais une ibada et tu prétends que c'est du khair alors que khair al-qurun ils l'ont pas fait. Nous on te dit est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a caché cette ibada? Il va répondre là. Est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a oublié? Là. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a appuyé par la révélation. Pourquoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il l'a pas fait? Fatruk al-bid'a, c'est un bab shar. Donc, Première condition, an takoun al-ibada sawaban. Deuxième condition, wa an yakoun al-abid mukhlisan bi an yarju bi amalihi wajha Allah wa ad-dar al-akhirah. Deuxième condition, al-ikhlas. Son but, c'est de satisfaire Allah. At-taqarrub ila Allah, se rapprocher d'Allah Azza wa Jalla. فإذا اجتمع الشرطان في عبادة مشروعة مالية أو بدنية أو هما معا فالعبادة مقبولة لأن صاحبها من أهل التقوى الذين قال الله في حقهم إنما يتقبل الله من المتقين. الله سبحانه وتعالى لا يقبل أعمال المتقين. أما أعمال المشركين لا. أعمال المبتدعة لا. dans cette bid'a qu'il a fait son amal il est pas accepté. لأن النبي صلى الله عليه وسلم il a démontré فهو رد. Et Allah subhanahu wa ta'ala yaqul faman kana yarju liqa'a rabbih. Celui qui espère rencontrer Allah avec des a'mal maqboula faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Dans ce verset min sourat al-kahf, Allah subhanahu wa ta'ala cite les deux conditions. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan. Awalan al-'amal faut que ce soit un amal salih et il sera pas salih que s'il est fondé sur sunnat an-nabi sallallahu alayhi wa sallam et sur le Coran. Deuxième condition, وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدَ الْإِخْلَاص. Donc, surat al-Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité les deux conditions. C'est pour ça que Cheikh Zayed قال, أَشْرْتَانَ الْمَعْلُومَانَ بِالْإِسْتِقْرَى. L'istiqra, c'est l'ulama. Avec beaucoup d'adillah, ils te sortent des points. Et avec beaucoup d'adillah, ils ont su que l'ibada, t'es obligé d'avoir ces deux conditions. الْإِخْلَاص وَالْمُتَابَعَ. قال شيخ زيد وحيث إن قواعد العقيدة ثابتة بأدلة الكتاب والسنة بصريح المنقول وصحيح المعقول أورد المؤلف رحمه الله قوله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. شيخ الإسلام après avoir cité ce dua et sa parole أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين, il a cité après comme قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. L'importance de citer une chose après tu cites الدليل. فشيخ الإسلام الآن il a cité une chose. C'est quoi الحنيفية ملة إبراهيم adorer الله سبحانه وتعالى. C'est quoi الدليل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Ça englobe جميع الإنس et جميع الجن. Donc الحنيفية c'est ce verset وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. قال الشيخ زيد وقوله عز وجل وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ فَإِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ بَيَّنَ اللَّهُ فِيهَا الْحِكْمَةَ مِنْ خَلْقِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ. C'est quoi l'hikma? Ay, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a créé le djinn wal-ins? C'est quoi la sagesse? قال ألا وهي العبادة بما تحمل الكلمة بما تحمل كلمة العبادة من معنى. Donc Allah nous a créé pour l'ibada avec tout ce que ça englobe. Selon l'un, l'ibada, Cheikh l'Islam عرفها avec un تعريف طيب. قال اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال الظاهرة والباطنة. من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. C'est un nom qui englobe l'ibada, tout ce que Allah il aime comme parole ou acte apparent caché. Tout ce que tu dis ou tout ce que tu fais, Allah subhanahu wa ta'ala il aime, c'est une ibadah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il t'a créé que pour ça. Tu fasses des choses, que ce soit des paroles ou des actes apparents ou cachés, que Allah il aime. C'est ça l'ibadah. Allah subhanahu wa ta'ala il nous a pas créé que pour travailler, que pour avoir des projets de dunya, que pour faire des enfants, avoir des maisons. Là, Allah subhanahu wa ta'ala il nous a créé pour din, pour l'ibadah. Et cette dar dunya, tu prépares faqat al-akhira. Et l'akhira, tu seras jugé sur tes œuvres. Tu ne seras pas jugé est-ce que tu es pauvre, est-ce que tu es riche, est-ce que tu as une maison, amla. Là, ça c'est des choses. On ne dit pas que c'est haram. Tant que c'est halal, c'est permis. Et ça t'aide à faire ton din. Lakin, ce n'est pas le but principal. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et si tu fais des efforts pour l'ibadah, tu auras un jaza, une récompense par rapport aux efforts. On fait des efforts sur هذا نحن. On fait attention à tout ce système là qui t'éloigne de هذا. On fait attention. Allah subhanahu wa ta'ala il t'a créé pour quelque chose de précis. Amma al-malahida al-an al-kafara, ils font tout pour t'éloigner de هذا. Ils font tout pour t'éloigner totalement. Hatta ils ont inventé ce qu'ils appellent la laïcité. Il ne faut pas faire apparaître. Et hum, leur but, c'est que tu ne l'adores pas du tout. Lakin, pour te combattre, ils essayent de propager ce fikr khatir. Anna l'ibada, c'est que chez toi. Allah subhanahu wa ta'ala qal, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Il n'y a pas de laïcité, pas de démocratie. Tout ça, c'est des afkar khabith. C'est du kufr wadih. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créés pour l'ibada. Chez nous, en dehors de chez nous. Que ce soit homme, femme, arabe, noir, blanc. Toujours, l'ibada, on n'a été créé que pour ça. Là, on vit dans une époque, là, on a كثير من الناس, ils donnent plus d'importance à cette ibada. Enfin, celui qui s'accroche, il est gharib. فطوبى للغرباء قال النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأ هذا الدين غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. Donc tu dois t'accrocher à Khilkarim. Et tu te rappelles toujours cette ayah. فلا تغتر. Tout ce système, ils font tout pour combattre l'ibada et ceux qui font des efforts pour l'ibada. Accroche-toi. C'est un passage et al-aqibatu lil-muttaqin. قال الا وهي العباده بما تحمل كلمه العباده من معنى ومعنى إلا ليعبدون أي يوحدون عز شأنه قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي يوحدونه في العبادة. Pourquoi? لأن بعض الناس يزادق الله يزادق أطخ. Et on a vu que ça annule les œuvres الشرك. Et on a vu que العبادة il y a une condition, c'est التوحيد. قال الشيخ زيد فإذا وجد التوحيد فهو مفتاح لقبول الطاعات كلها إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها. Donc, la cause principale pour que les œuvres soient acceptées, c'est le tawhid. Bien sûr, tu respectes les conditions. Matalan fi salat, faut que tu sois à la tahara, tu te mets en direction de l'qibla, etc. Tu t'écartes des annulations kadalik, tu parles pas, tu manges pas pendant le salat. Tout ça, si tu respectes, et c'est sincère pour Allah, t'es un mouhid, c'est accepté. Amma, celui qui fait le salat comme il faut, il a les conditions, et il s'écarte des choses qui l'annulent. Lakin, il fait du shirk, elle n'est pas acceptée. لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. Donc c'est la condition principale. Tout ça, Cheikh Al-Islam, il te montre, et Cheikh Zaydi détaille dans le char, pour te montrer qu'il a fait des efforts fil tawhid. C'est ce qui va te sauver. بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. قَالَ وَجَاءَتِ الْآيَةُ بِأُسْلُوبِ الْحَصْرِ وَالْقَصْرِ أي إِلَّا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et tu comprends que c'est que pour ça, rien d'autre. Toutes les autres choses, c'est pour te faciliter. Pourquoi on se marie? On se marie, les Anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a démontré qu'il faut se marier. C'est un khayr azim. Tazawwaju al-walud al-wadud, fa inni mukathiru bikum al-umam yawm al-qiyam. On se marie kadalik pour s'écarter des fitan. Les Anna, celui qui ne se marie pas, peut-être il tombe dans des fitan. Et au lieu de faire des ibadat, il fait des ma'asi. Pourquoi on achète des maisons ou on loue? C'est pour avoir un endroit où on adore Allah subhanahu wa ta'ala, on se repose, etc. Tout ça, tout ce que tu fais, c'est pour l'ibad. Pourquoi tu travailles? C'est pour avoir de l'argent, pour pouvoir subvenir aux besoins de ta famille, et pouvoir adorer Allah azza wa jal, tu fais le hajj, et etc. Toutes les autres ibad. Donc c'est ça le but. Amma, inverser les choses, je travaille parce qu'il faut travailler, et je me marie parce qu'il faut se marier, et plus aucun lien à l'ibad, l'insan, il devient comme un animal, ou l'iyad ou billah. كما أخبر الله عز وجل والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. الذين كفروا يتمتعون. Ils profitent comme ils profitent les animaux. Ils mangent, ils boivent, ils se reproduisent. Son refuge, c'est le nar. On ne doit pas être comme ça. C'est pour ça que ce mariage, مثلاً, s'il fait du mal à ta ibada, robama, tu dois t'écarter. Cette femme, elle fait plus salat, c'est plus une muslima, tu ne peux plus rester avec elle. Pourquoi? Parce que din, c'est par rapport, le mariage, c'est par rapport au din. Ba'dhum, c'est l'inverse. Il se marie, elle fait pas salat, roubama, elle se moque du din, et il est avec elle normal. Pourquoi? Il y en a son but, c'est pas l'ibad. Ce travail, s'il fait du mal à ta ibad, tu dois délaisser. Tu travailles, il t'autorise pas à faire salat. Pourquoi rester? Allah, il t'a créé que pour l'ibad. Est-ce que si tu délaisses ce travail, tu vas mourir de faim? Là. Wa ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Est-ce que si tu délaisses ce travail, Allah il va te le remplacer par quelque chose de mieux? Tu dois en avoir la conviction. Man taraka shay'an lillah awadahu Allah khayran minhu. Celui qui délaisse quelque chose pour Allah, Allah il le remplace par quelque chose de meilleur. Tu délaisses et tu vas trouver un autre travail et tu feras ça tout à l'heure. Pourquoi? Lianna al-mizan siddin. Wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. Celui qui a l'inverse là, il fait salat, il faiblit, ou il fait travail, il travaille il faiblit, il ne fait pas salat, il ne fait pas le hajj. Robama, 40 ans de travail, 40 ans, il n'a pas fait salat à l'heure. S'il fait salat, 40 ans, il ne fait pas le hajj. Ba'dal muslimin, masakin, 40 ans, il a travaillé, il sort, il n'a presque plus de capacité, robama, il n'arrive plus à faire le hajj. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ هَذَا الْآنَ فِي حَقِقَةٍ il a vécu pour le travail. Alors qu'Allah, il a ordonné de faire le hajj, de faire le salat. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne, c'est pas ce patron. Tout ça, c'est par rapport à ce verset. L'importance, si tu donnes l'importance au tawhid, ça va te régler tout ça. Tu n'auras plus peur de ne pas trouver de travail, tu n'auras plus peur de je ne peux pas faire salat, ils vont dire. Tout ça, tu sais que lui-même, il doit faire. Il n'a pas réussi, lakin, toi, tu fais. Allah musta'an. Qala. فإذا وجد التوحيد فهو مفتاح لقبول الطاعات كلها إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها وجاءت الآيات بأسلوب الحصر والقصر أي on est arrivé ici إلا ليعبدون بمعنى أن العبادة خاصة بالله عز وجل لا يتوجه بها إلى سوى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي يوحدون donc tu as été créé que pour العبادة et cette عبادة est que pour Allah donc tu as deux choses pourquoi tu as été créé Et tu dois adorer que Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, wa huwa shamilun li jami' anwa' al-ibadat al-zahira wal-batina kama aslaftu. Et ta'rif Cheikh al-Islam, il est tayyib. Al-ibada, ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwal wal-a'mal al-zahira wal-batina. Qala Cheikh Zayd, kama anna fil aya bayana lil-hikma min khalq alam al-ins wal-jinn. C'est « alam ». Ils ont mis une kasra. Lakin, c'est « alam ».« Alam al-ins wal-jin ». Amma al-alim, c'est « min al-ilm ».« Alam al-ins wal-jin »« Alladhina khalaqahumullahu abtalahum bittakalif »« Wa fi muqaddimat al-takalif al-amru bittawhid »« Wa al-nahi an-shirk »« Fala tatimmu al-ibada illa bil-wala wal-bara » Ce tawhid, si tu as compris que « millatu Ibrahim » c'est tawhid. Allah t'a créé que pour ça. Fais attention, ce tawhid, il a des annulations. Il va donner l'exemple. Comme Salat a des annulations, ou l'Odo a des annulations, Al-Tawhid a des annulations. Donc, apprends Tawhid. Applique-le. Fais attention aux choses qui l'annulent. Kadhalik, ce Tawhid, cette Ibadah, tu es obligé d'avoir un comportement. Aimer ceux qui appliquent Tawhid, détester ceux qui contredisent ce Tawhid. Ce qu'on appelle Al-Wala Wal-Bara. قال ولاء لله بتوحيده وجميع طاعاته وبراء من الشرك وأهله والخلوص منه حتى يكون الإنسان متبعا للحنيفية السمحاء التي هي ملة إبراهيم إبراهيم تبرأ من قومه المشركون pourquoi لأن إبراهيم il était sur la hanifiya adorer Allah seul et s'écarter du shirk aimer celui qui adore Allah seul détester al mushrik Walaou si c'est un proche. Walaou tu l'aimes d'une façon naturelle, tabi'iya, lakin par rapport au din, tu le détestes. La tajidu qawman yu'minuna billah wal yawm l'akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasoulah walaou kanu aba'a. Al-aya. Notre wala et notre bara, c'est par rapport au din. Le fikr l'an qui est propagé par le kuffar et que certains prêcheurs min du'at ala abwab jahannam et contredisent hadal asl. Ton amour et ta haine, c'est plus par rapport au tawhid. Là, bel ba'dhum, ils appellent clairement à aimer le kuffar, etc. Nous, là, on doit apprendre et s'éduquer nous-mêmes et éduquer nos enfants et ceux dont on est responsable. Bihada, al-hubbu fillah ou al-bourdu fillah. Tout ça par rapport au tawhid. Et ça, kadalik, ça montre les méfaits du nationalisme. J'aime un tel, il fait partie de ma famille ou de mon pays. Ils ont leur wala et leur bara par rapport au sport, par rapport à une équipe, par rapport. Tout ça, c'est bordel. Et tout ça, ça faiblit la Qala, wallati amara Allahu azza wa jal, ou qabla dhalik, on répète, hatta yakun al-insan muttabi'an lil-hanifiyya samha, allati hiya millatu Ibrahim, wallati amara Allahu azza wa jal, nabiyyana Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam. أن يتبعها في قوله عز وجل ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين أمر من الله qu'on doit suivre ملة إبراهيم c'est quoi ملة إبراهيم c'est الحنيفية وما كان من المشركين ça montre que الحنيفية c'est le contraire du shirk الحنيفية c'est التوحيد قال الشيخ زيد فكل أتباع إبراهيم عليه الصلاة والسلام هم الحنفاء أي الذين تركوا الشرك وأهله وأقبلوا على التوحيد وأهله. C'est الحنفية. S'écarter du shirk et adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. S'écarter des kuffars, les détester, se rapprocher des muslimines, les aimer. C'est ça le hanifiyya. Et c'est ça le premier fondement de notre din. Qala, thumma akhadu tawhidahum min kitab rabbihim wa sahih sunnat nabiyihim. Thumma, pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont deux sources, Quran wa sunnah. Et ils appliquent autant qu'ils peuvent. Si ils font un péché, tawba wa istighfar. Une ni'ma, al-shukr. Ils sont éprouvés et patients. Ils adorent Allah seul et ils suivent sunnat Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça notre deen. Notre deen, c'est pas que le bon comportement, comme ils appellent certains dhullal. Les nahar, il faut respecter les voisins, il faut être gentil. Ça, c'est une partie de notre deen. Lakin, le fondement, c'est hada. Il y a des choses qui contredisent hada tawhid. Même le bon comportement, il sera pas valable عند الله عز وجل. Lakin, le mizan, c'est tawhid. Donc, il faut faire attention à hada. Nahnu, on appelle tawhid, on appelle al-hub fillah ou al-bord billah, et on appelle bien sûr tout ce qui vient après, le bon comportement, etc. Lakin, appeler une chose pour satisfaire un tel et délaisser les fondements pour ne pas froisser un tel, c'est pas da'watul anbiya. Est-ce que Ibrahim, il s'est mis des gens à dos? Non, son père. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sa tribu l'a combattu. Il a dû faire l'hijra. Amma l'an da'wa. Il faut froisser personne et il faut se mélanger, il faut respecter l'autre. Tout ça, c'est minat dalal. Tout ça, ça contredit da'watu al-anbiya. Hada, c'est muhim et c'est les fondements de notre dit. Qala fa'idha, qala shaykh al-islam, fa'idha arafta anna allaha khalaqaka li'ibadatihi fa'alam anna al-ibada la tusamma al-ibadatan illa ma'a al-tawhid. Et ça, c'est un point important. Adorer Allah subhanahu wa ta'ala, ça sera valable que si c'est fondé sur le tawhid. Ils adorent Allah, Azza wa Jal. Rubbama, il fait salat, il fait le hajj, zakat, il sort zakat, il fait siyam ramadan. Il égorge pour un mort, il va voir les sorciers, il place sa confiance en makhlouq qui ne peut rien lui donner. Il espère la guérison, il demande à un wali qui est mort il y a des siècles. Est-ce que sa ibada elle est valide? Abadan. Al-ibada la tusamma ibada, ça sera une adoration maqboula عند Allah qu'avec tawhid. Égorger pour autre qu'Allah, ça annule tawhid. Voir les sorciers, leur demander, penser qu'ils ont raison, ça annule son tawhid. Faire tawaf autour des tombes, ça annule le tawhid. Égorger pour les djinns parce qu'il a peur d'eux, ça annule le tawhid. Donc c'est pas une ibada. Même s'il adore Allah, son adoration n'est pas acceptée. Les annas, c'est pas une adoration de muwahhid. Kuffar Quraysh, il faisait des adorations pour Allah Azza wa Jal. Lakin, il lui donnait des associés avec les statues, c'était pas accepté. C'est ça qui veut te démontrer, Cheikh al-Islam. Qala Cheikh Zayd, wa kullu amal yataqaddam bihi al-insan ma'a faqd at-tawhid wal wuqu' fi ash-shirk fala qimata lahu wa la wazna lahu abadan. Chaque amal qui est fait, lakin la personne elle fait du shirk, ce amal il a aucun poids عند الله عز وجل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هكذا قال عز وجل sur l'amal du mushrik. L'amal du mushrik, يوم القيامة, il devient comme في الآية. وجعلناه هباء منثورا. T'as déjà vu le quand il y a un rayon de soleil, maintenant on est dans cette pièce nous, et par la fenêtre il y a un rayon de soleil, t'as déjà vu dans le rayon il y a comme de la poussière. C'est ça, الهباء المنثور. Son amal il devient comme ça. Il n'y a rien en haqiqa. Et il ne trouve rien à Yom al-Qiyam. Voilà aussi la fête. Lakin il a tout annulé. Bah, c'est ça qui nous démontre, cher Zayd. La qimata lahu wa la wazn. Aucun poids. C'est pour ça que le kafir, Yom al-Qiyam, comme a dit le hadith, à Yom al-Qiyam, il y a un kafir. Samin, vachm. Il va être grand, fort d'apparence. Yuzn, Yom al-Qiyam. Son poids, yuzn. Il est comme Janah al-Ba'oum, comme l'aile d'un moustique. Arubama, il était fort, grand, il avait du poids dans certaines choses. Et en Qiyama, il ne vaut rien. Il ne vaut rien, indallah azza wa jal. Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, il était très fin. C'est pour ça que Al-Qissa, quand il est monté dans l'arbre pour chercher un oud arak pour siwak, et Ba'd al-Sahaba, quand ils ont vu ses jambes, elles étaient très fines, ils ont souri. Il a dit Wallahi, anna yawm al-qiyamah, ses deux jambes, elles sont athqal min uhud. Pourquoi? Il y en a tawhid et puis l'amal. Donc c'est ça le mizan, indallah. Yawm al-qiyamah, ibn Mas'ud, ses deux jambes, elles sont plus lourdes que uhud. Et uhud, c'est une montagne. Kafir, il est énorme, il est fort. Yawm al-qiyamah, il ne vaut rien, il ne pèse pas l'aile d'un moustique, indallah, subhanahu wa ta'ala. Ah, c'est ça. C'est ça le mizan. Enfin, celui qui fait beaucoup de amal, yawm al-qiyamah, s'il n'a pas de tawhid, c'est rien. Ça ne vaut rien, indallah, azza wa jalla. Il est finnar. Et celui qui, même s'il a un peu d'amal, lakin at-tawhid, fayawm al-qiyamah, il est sauvé. Et hadith al-bitaqa, il est ma'ruf. Qala, idh la tusamma ibadatan illa ma'a at-tawhid, wa amma bidoun at-tawhid, famahma qadima al-insan, mimma suratuhu surat al-ibada kas-sadaqa, wal-iqrat, wal-sakha, wal-badl, wal-afu, والإحسان إلى الناس وما شاكل ذلك وهو فاقد للتوحيد فإنه داخل تحت قول الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. Pourtant, تأمل les exemples qu'il a donné, Cheikh Zayed. صدقة, إقراض, سخاء, généreux, il donne. Quelqu'un qui a besoin, il lui emprunte, il facilite, souriant, généreux. بعض الناس, ils voient ses أعمال, surtout si c'est d'un kafir. Et بعض الناس disent في الحقيقة c'est lui le musulman. Tu l'entends هذا عند الجهال. بعض هم disent هذا c'est lui le musulman. Il manque que la ilaha illallah. Il lui manque tout. Et il voit un musulman, c'est un mouhid, لكن ربما il a eu un mauvais comportement, il s'est énervé, il a des faiblesses. Pour eux, ils disent هذا c'est un musulman, هذا. Ils ont des doutes. هذا c'est un musulman. Surtout s'il a l'apparence, il a la barbe, il a le camis, ils disent هذا c'est un musulman. Et بعض هم ils disent clairement chez les kuffars, c'est mieux, etc. Vous connaissez Hada. Pourquoi le fondement principal, il donne plus d'importance. On dit, c'est un frère, il est à la khayr. C'est un mouhid. Allah, il aime le mouhidin. Il a des faiblesses. Qu'Allah, il le guide, on le conseille. Kafir, on dit là, on le déteste là. Pour nous, il ne vaut rien. L'imada. La chose la plus importante, haqqullah azzawajal, il ne le fait pas. Amma haqq l'ibad, il a donné quelques euros à un tel, il a fait un sourire à un tel. Il est où haqqullah azzawajal? Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a créé, il fait rien pour Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que moi je veux lui donner de la valeur? C'est quoi le mizan? At-tawhid. Qala, idhan fa asas al-ibada tawhid Allah azza wa jal wa kullama taqarraba al-muwahhid ila Allah bi'ibadatin fa huwa yashmaluha hadha al-ism al-sharif ism al-ibada ism jami' li kulli ma yuhibbu Allah wa yardahu min al-aqwal wal a'mal al-zahira wal batina. C'est ça l'ibada. Chaque amal qu'Allah il aime, que ce soit une parole, ou un acte, ou une croyance, apparente ou cachée. Apparente, ça fait les amal, ça fait rentrer les amal et les paroles, et cachée, ça fait rentrer toutes les croyances. C'est ça l'ibada. قال التي تتجلى في الخضوع والانقياد والطاعة لله وحده والرغبة فيما عند الله عز وجل. C'est ça notre but. On est sincère, on fait ça pour Allah عز وجل, et en plus on espère la récompense. C'est ça le mouhid. Amma ce kafir qui est généreux, etc. Qu'est-ce qu'il espère? Il espère pas la récompense d'Allah. L'ennou, c'est un kafir. Il fait ça, imma, ça devient une passion. Imma, c'est son travail. Imma, il aime aider les autres. Et il aura la récompense par rapport à ce qu'il a fait. Maintenant, il a aimé aider les autres. Sa récompense, ça sera qu'un tel, il va lui dire merci. C'est ça quand on dit récompense. Un mayom qiyama, il aura rien. Ou les gens, ils vont bien parler de lui, vite de nuit. Ils vont dire, un tel, il était généreux. C'est ce qu'il aura, faqat. Et nous, c'est pas ça qu'on espère. يوم القيامة سنحن لبت يوم القيامة أن الله سبحانه وتعالى يرضى عنك سعمل سبب parmi les sebabs que Allah il te pardonne et te fait rentrer في الجنة. أما ce kafir الآن, les gens ils ont dit les généreux etc. Il est mort, بعضهم il pleure, بعضهم il pense à lui. يوم القيامة il est في النار. Qu'est-ce qu'il a gagné? والله il a rien gagné. بل il regrettera. عمل, il aurait fait ça pour Allah subhanahu wa ta'ala, il aurait adoré Allah subhanahu wa ta'ala, il ferait partie minas salihin, lakin il lui manque la condition at-tawhid. قال والاستسلام التام لما كلف الله عز وجل به عالم الانس. هنا ils ont mis la fatha عالم الانس, هنا ils ont mis la fatha, mais avant ils ont mis une kasra et c'est un khata. عالم الانس والجن من فعل الطاعات والترك المعاصي والتقرب الى الله عز وجل بكل ما يرضيه. ثم إن شاء الله le prochain درس il a cité Cheikh al-Islam l'exemple de الصلاة et on finira la مقدمة avec cet exemple لأن الآن ذهب الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.